pouvoir à travers toutes mes mémoires. J'ai défoncé les portes, ça a fait un grand choc. J'étais en nouvelle époque, le puissant rap des blocs. Mon rap c'est Mike Tyson, donc à moi la couronne. Comme Saddam Hussein, je suis né dictateur. Et comme Ben Laden, je fais renaître la terreur. Dans le rap depuis peu, je suis le nouveau dieu. J'ai commencé à la nage, puis j'ai grimpé tous les étages. Au fond comme en cage, j'ai jamais tourné la page. Ma musique est fertile, et c'est dingue jusqu'en Afrique. Je représente l'équipe, c'est la zone à haut risque. J'ai le rap dans les veines, toujours mon père dans mes thèmes. Personne n'ose me cache pour voir la vérité en face. Je suis devenu une menace, les MC deviennent des lâches. J'ai dû batailler pour me faire respecter. Mais je ne me sers de mon gun que pour m'imposer. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je le regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. Ce pétard m'a tassé, me fait oublier mon passé. Car j'étais lynché, traîné dans la boue. J'ai perdu ma fierté, alors j'écris ce texte pour me libérer de tout ce poids qui a pesé. J'ai dû voler pour m'habiller, j'ai dû dealer pour compenser le manque de blé. Je dois vous dire que je me construis avec l'horreur. J'ai tout perdu, à commencer par l'odeur de la liberté. La mort, je la crains pas, j'ai perdu la peur, alors j'avance. Sans trépas que Dieu m'exauce le bonheur. J'ai baisé la vie car elle m'a traité avec du mépris. Je ne vois que du noir, j'ai perdu tout espoir. Je suis pas un gangster, jamais je me la paie. Je ne vante pas de misère, je jamais je noie à terre. Me suis forgé une carapace en béton, pas de succès. Pourtant je veux toujours sa rançon. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je le regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. Ce que je fais, c'est pas du rap pour manger. Mon histoire, j'ai tout assumé, mais difficile de m'aimer. J'ai pas souvent eu ma chance, mais j'ai toujours laissé filer. Alors quand j'y pense, n'arrête pas de regretter. Je sais, égoïste, je le sais, c'est triste. Je sais qu'il y a pire que moi, mais j'arrive pas à l'imaginer. Car pendant que je dors, des millions de gens meurent d'épidémie. Le monde part en couille chaque jour. Et ça, je regretterai toujours. Ok, ok. Le monde part en couille, frère. C'est la merde. Oh, c'est Nord. Ok, c'est Nord. Je le regrette. C'est Nord. Je le regrette. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je le regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je le regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je le regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette. La mort de mon père, je le regrette. Tentative de suicide de ma mère, je le regrette. Tout le mal que j'ai fait, je le regrette. Mon avenir est gâché, je le regrette.